La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Les côtes françaises sont en perpétuelle évolution. À certains endroits, les falaises s'érodent. À d'autres, l'ensablement augmente, la surface émergée. Ailleurs encore, les dunes se déplacent. Alors, à quelle vitesse évoluent les contours de nos côtes? Les travaux d'aménagement destinés à protéger des routes ou des habitations en bord de mer sont-ils efficaces? Et comment concilier le temps court des politiques d'aménagement et le temps long de la géologie et des éléments? Cet après-midi, nous offrons une balade en bord de mer avec le géographe Stéphane Costa et le géophysicien Christophe Delacour pour comprendre comment notre littoral se redessine sans cesse. Et nous attendons vos questions sur franceinter.fr. Bonjour Héloïse Rambert. Bonjour Daniel. Avec vous Héloïse, pour la Une de la Science, nous quitterons le bord de mer pour plonger dans les abysses. Oui, mais pour parler du plastique qu'on y trouve, pour la première fois, des scientifiques ont pu prouver que des animaux des grands fonds marins ingéraient des petits fragments de plastique. On en parle ensemble dans quelques minutes. Et en fin d'émission, Perrine Poubeau, pour la chronique en partenariat avec la Casse Science Grand Format de France 5, nous emmènera sur la mythique île de Pâques. Voilà pour le plan de navigation de cette tête au carré, réalisé par Fanny Boyon et préparé par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Christophe Delacour et Stéphane Costa, bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Christophe Delacour, vous êtes géophysicien en charge des observatoires du littoral pour le CNRS et Stéphane Costa, géographe à l'université de Caen, président du conseil scientifique de la stratégie nationale de la gestion du trait de côte. Alors, à certains endroits en France, l'érosion des côtes est particulièrement rapide. Il y a quelques exemples comme ça qu'on peut donner d'entrée de jeu, Stéphane Costa. Oui, il y a de très très nombreux endroits qui sont en proie à l'érosion, malheureusement. Il y a une étude réalisée par le CEREMA en 2015 qui indique que un peu plus de 20% du littoral français sont en proie à l'érosion. Mais en fait, quand on y regarde très très bien, il y a également de très longs linéaires côtiers qui sont protégés par des ouvrages, ce qui veut dire qu'auparavant, il y a eu des problèmes d'érosion. Ouais. Et finalement, quand on globalise un petit peu tout ça, c'est pratiquement la moitié du littoral français qui recule. Et il y a quelques exemples, malheureusement, aussi bien dans les Deux-France, je pense à la baie de Vissant ou en Camargue, où il y a là des vitesses de recul qui sont parfois plurimétriques chaque année. C'est-à-dire de plusieurs mètres par an. La côte recule de plusieurs mètres par an. C'est-à-dire, dans une vie d'homme, on voit le paysage se transformer. Ça exactement. C'est vraiment une des spécificités justement de cette évolution du littoral. La plupart du temps, quand on travaille à l'échelle des temps géologiques, eh bien l'échelle des temps géologiques est tellement longue qu'en fait l'échelle humaine est toute petite devant. Et là, sur les problématiques d'érosion littorale, on voit les évolutions de la nature. Alors, de la nature avec plus ou moins, on verra. Je pense qu'on va en discuter largement. Quelles sont les origines? Donc peut-être pas que naturelles, mais on voit en effet à l'échelle humaine. Et voire même à l'échelle encore plus petite, puisque qui n'a jamais vu une tempête avoir et l'impact sur une plage. Ouais. Donc en effet, on a des échelles de temps très intéressantes. Et Christophe Delacour, ces échelles de temps sont quand même relativement restreintes. L'homme essaye d'ériger des digues, de faire des constructions, et parfois le remède est pire que le mal. On va le détailler dans cette émission, mais on peut d'ores et déjà le dire, parfois le remède est pire que le mal. Eh bien, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a une action de l'homme pour limiter l'érosion, il y a forcément un impact. Et on voit que cet impact peut être positif dans le meilleur des cas, mais peut-être également négatif. Et le souci, c'est que justement, il est très difficile de pouvoir quantifier cet impact sans avoir compris justement les phénomènes qui peuvent expliquer cette évolution du littoral. Parce que les phénomènes sont encore pas tous compris aujourd'hui. Ils sont encore loin d'être compris, et je pense qu'on va en discuter très, très longuement. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet justement du CNRS qui s'intéresse à ces processus d'évolution du littoral. Érosion, ensablement et travaux d'aménagement, on s'intéresse à l'évolution du littoral français dans La Tête au Carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et on ouvre la Une de la Science en musique. Le plastique, c'est pas fantastique. Le caoutchouc, c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur. Le plastique est une ordure. Étrangler les tortues, les poissons, étouffer les dauphins, les oiseaux. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des cons? Déjà que le tofu c'est pas bon. Le plastique c'est pas fantastique. Le caoutchouc c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure. Frédéric Fromet de l'équipe de Par Jupiter qui passe une tête dans la tête au carré pour lancer notre une du jour. Car oui, le plastique, c'est pas fantastique. Probablement qu'aucun scientifique ne nous contredira, Héloïse. Oui, Daniel, je pense que ça fait vraiment consensus. La catastrophe écologique que représente le plastique n'est plus à démontrer. Mais on en apprend tout de même tous les jours sur la pollution qu'il génère dans les écosystèmes. Dernière nouvelle en date, des chercheurs ont découvert des microplastiques dans les entrailles de mini-crustacés vivant à près de 11 km de profondeur. Leur étude a été publiée hier dans la revue Royal Society Open Science. Nous sommes avec François Galgani en duplex depuis Bastia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, chercheur à l'IFREMER. Alors vous, François Galgani, ce sont des résultats qui vous surprennent ? Alors, pas vraiment en fait, parce que on sait déjà qu'il y avait des plastiques dans les grandes profondeurs, donc des objets de plastique. On sait qu'ils pouvaient aller très très très loin et très profond. Il y en a beaucoup également en surface. On sait qu'ils se dégradent. On sait qu'il y a des organismes, il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont capables d'ingérer des organismes. Mais la nouveauté quand même, c'est que ce sont des organismes qui ingèrent des plastiques très profonds, et ça veut dire que même les écosystèmes les plus profonds, les espèces vivant dans les écosystèmes les plus profonds sont affectées. Alors, dans quels animaux exactement les chercheurs ont retrouvé ces microplastiques et comment ils ont procédé ? Alors là, ce sont ce qu'on appelle les amphipodes. En fait, ce sont des animaux qui sont très connus. On appelle ça aussi les puces de mer pour celles qui vivent sur les plages. Et donc là, elles sont particulièrement adaptées aux grandes profondeurs. Elles sont en général de plus grosse taille, de quelques centimètres. Et voilà. Mais en fait, pratiquement toutes les espèces, vraisemblablement, doivent en ingérer, y compris dans les grandes profondeurs. Elles sont peut-être plus faciles à échantillonner là, si profond. Et donc, ils ont retrouvé, je crois, chez 72% d'entre eux, des plastiques, ce qui est beaucoup. Absolument, ça fait à peu près trois quarts. Mais par contre, ces différents types de plastique, il y a des fibres dedans qui sont assez classiques, et puis quelques fragments pour certains des individus. Ce qui est évident également, c'est que les zones les plus affectées, de plus forte densité de population, comme le sud-est asiatique près du Japon, les fosses les plus profondes sont les plus affectées, alors que certaines zones, quand même, il y en a quand même moins dans les zones les plus reculées. Et il faut dire que ces animaux, leur mode de vie, c'est de manger les détritus au fond de la mer. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils mangent ce qu'ils trouvent. En fait. On appelle ça des détritivores, effectivement. Et donc, ils mangent tout ce qui traîne sur les fonds. Et vous savez, il y a un phénomène qu'on appelle la neige marine, qui en fait transfère tout ce qui est en surface, donc les résidus du phytoplancton, du zooplancton qui s'agrègent. Et ça fait des espèces de flocons comme ça qui tombent sur le fond, qui se déposent sur les sédiments. Et donc, ces animaux ont la particularité de se nourrir principalement sur ce type d'éléments qui en fait peuvent contenir des microplastiques. Alors justement, est-ce qu'il y a plus de déchets plastiques en surface ou au fond des océans ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la surface, notamment avec ce fameux continent de plastique. C'est quoi la réalité ? Alors en fait, il y a 1% simplement des plastiques qui sont en surface, même s'il y a des phénomènes d'accumulation à cause des courants qui font que les densités sont plus importantes dans ce qu'on appelle les zones de convergence, comme la mer des Sargasses en Atlantique par exemple. Mais malgré tout, la plupart des plastiques sont au fond et ça représente de l'ordre de 99%. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait ces continents de plastique, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus en profondeur dans les océans. Le problème est plus global encore que ce que l'on pourrait penser. Alors en fait, si vous voulez, le continent de plastique, c'est une image. Il n'y a pas de continent, il n'y a pas d'accumulation de déchets sur lesquels on pourrait marcher. C'est simplement des densités qui sont plus fortes à cause des phénomènes physiques de courantologie. Mais en densité, en quantité, il y en a beaucoup plus sur le fond, bien entendu. Et alors comment les fragments de plastique, dont ceux qu'on retrouve donc chez ces petits animaux, se retrouvent tout au fond, à 11 km de profondeur? Est-ce qu'ils coulent tout de suite? Comment ça se passe? Alors en fait, ça dépend des plastiques ou des polymères qui constituent ces plastiques. Donc pour ceux qui sont très denses et très lourds, comme les PVC, par exemple, typiquement, ils vont couler tout de suite dès qu'ils arrivent en mer. Par contre, pour certains qui sont beaucoup moins denses que l'eau de mer, comme par exemple les polyéthylènes, c'est beaucoup plus difficile d'accéder au fond. Et donc, soit ils interviennent avec d'autres constituants qui fait qu'un objet pourrait être beaucoup plus lourd et va sédimenter sur le fond, soit ils sont transférés. Et là, on n'a pas beaucoup d'informations sur les mécanismes de transfert, mais c'est sûr qu'on retrouve des plastiques légers au fond. Ça peut être les animaux qui les lestent, en fait, hein, c'est ça ? Absolument. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle du fouling ou des salissures, si vous voulez, qui vont se fixer sur ces plastiques et vont les alourdir. Et donc, à un moment ou à un autre, ces plastiques vont être, étant plus lourds, vont être susceptibles de descendre en profondeur. Mais c'est des mécanismes qui sont très complexes et pas très, très bien compris. Donc, ils servent de support à la vie, à certaines espèces qui prolifèrent sur ces débris de plastique. Alors en fait, vous avez des plastiques qui sont ingérés, avec tout un ensemble de questions sur les effets qu'il pourrait y avoir, mais il y a également le fait que certaines espèces, comme vous le dites, se fixent sur ces plastiques, et donc le plastique favorise, si vous voulez, la colonisation de certains milieux. Alors c'est vrai en très grande profondeur, mais c'est vrai aussi en surface. Vous avez l'exemple du tsunami au Japon, qui, après 6 ans, a quand même, avec les courants et les plastiques qui flottaient, a réussi à mener environ 300 espèces sur les côtes nord-américaines. C'est le premier exemple d'invasion massive par différentes espèces, et sur les fonds, on a des phénomène probablement équivalent, mais qu'on ne connaît pas du tout. Toujours est-il que ces petits amphipodes, on a retrouvé une sorte de cocktail de plastique en tout genre, ce qui laisse penser que voilà, ils ont mangé du PVC qui était tombé, et puis du plastique qui est tombé plus lentement. C'est ça qu'il faut comprendre ? Ah, je crois que les amphipodes ou les puces de mer qui sont à 11 000 mètres de profondeur ne font pas la différence et ingèrent tout ce qu'elles trouvent. Ils sont pas difficiles. Ils aiment tout le plastique. Absolument, ouais. Mais alors, est-ce que c'est une façon pour tout ce plastique de rentrer dans la chaîne alimentaire? Est-ce que, ces amphipodes mangent tous les plastiques? Est-ce que, au final, on se retrouve pas, nous aussi, au bout du compte, les ingérer? Alors en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour ce qui est des grosses particules, les gros microplastiques, elles peuvent pas passer au travers des barrières intestinales et donc elles sont excrétées un petit peu comme un enfant qui avalerait par mégarde un morceau de plastique. Au bout de 2-3 jours, si vous voulez, il ne garderait pas quoi. Et donc normalement, il n'y a pas de transfert pour les grosses particules le long de la chaîne alimentaire. Par contre, la question se pose pour ce qu'on a les plus petites particules, ce qu'on appelle les nanoplastiques, des nanopolymères, où là, elles sont susceptibles de passer au travers des barrières intestinales, d'aller dans les tissus, et là, il y aurait un risque de transfert le long de la chaîne alimentaire, bien que techniquement, actuellement, personne n'est capable de vraiment doser ces toutes petites particules. Oui, c'est ça, les nanoparticules, personne Absolument. Ne sait les caractériser pour le moment. Et alors, est-ce qu'on sait comment se dégrade ce microparticule? Est-ce que fatalement, il va donner des nanoparticules ou ça reste encore un peu inconnu, ce cycle? Alors, la dégradation des plastiques, des sacs plastiques ou des bouteilles, par exemple, qui se fragmentent en microplastiques, ça commence à être bien connu. On sait quels sont les facteurs qui interviennent. Les microplastiques, vraisemblablement eux-mêmes, doivent se dégrader. Mais on n'a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y en a pas les moyens techniques d'aller voir les plus petites particules et donc on ne connaît pas très, très, très bien. À terme, normalement, on devrait arriver aux constituants de base, c'est-à-dire que les microplastiques se dégraderaient en nanoplastiques, ils se dégraderaient eux-mêmes en monomères. Et donc là, on retombe sur des produits qui sont naturels. Éthylène, par exemple, propylène ou des choses comme ça. Et donc, le risque est minime une fois que c'est dégradé. Mais c'est la particule physique, si vous voulez, qui pose problème. Merci, François Galgani, de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et puis, merci à l'équipe de France Bleu Frequenza Mora à Bastia pour le duplex. Héloïse, à demain. À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'agence du médicament, l'ANSM, a annoncé qu'elle voulait, je cite, « mieux refléter la vraie vie ». Pour cela, elle a décidé de faire entrer les patients experts et les sciences sociales dans ses instances chargées d'émettre un avis sur les essais cliniques, les autorisations temporaires de médicaments ou encore leurs conditions de prescription. Les patients et les professionnels des sciences sociales ne se contenteront pas de donner leur avis, mais participeront à l'instruction des dossiers au même titre que les experts scientifiques. Le dirigeant de l'ANSM a estimé que cette nouvelle organisation enrichirait la dimension scientifique du travail de l'agence. Grenoble expérimente des bus renifleurs de pollution. La ville fait régulièrement face à des pics de pollution car les particules fines de l'air y sont retenues par les montagnes qui l'entourent. Alors pour mieux comprendre où et quand les particules se concentrent, l'agglomération a lancé une expérimentation unique en France. En plus des capteurs fixes présents dans toute la ville, Grenoble mise désormais sur des capteurs mobiles placés sur les toits de ses bus. Toutes les 10 secondes, les capteurs embarqués transmettent leurs données. Le but, à terme, est de proposer des cartes de la pollution en temps réel avec une marge d'erreur de moins de 10 mètres afin que chacun puisse adapter ses trajets quotidiens pour protéger sa santé. Au Japon, un nourrisson né prématurément et qui pesait alors 268 grammes est rentré chez lui en bonne santé après 5 mois en unité de soins. À sa sortie de l'hôpital, la semaine dernière, son poids avait atteint 3,230 kg et il boit du lait normalement, précisent les médecins. Selon les données connues, jamais au monde un garçon aussi petit au moment de l'accouchement n'avait quitté la maternité sain et sauf. La naissance du bébé avait été provoquée à 22 semaines de grossesse en raison d'un arrêt de croissance. Il était alors si petit qu'il tenait dans la paume de la main d'un adulte. Comment le littoral français se redessine sans cesse, on en parle dans un instant dans le dossier de la tête au carré. Once again, the shark stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Back on my tiptoes, oh, watch me shoot it. By my own will, I'm heading for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm trying to. To the late, I'm attracted to. To the late, I'm attracted to. To the burn. C'était Burn, Loudoyon sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. Ce pourrait être une carte postale de vacances pleine de soleil, de sable et d'océan. Nous sommes à Mimizan, dans les Landes, sur cette plage immense et magnifique. Mais aujourd'hui, les fortes marées de cet an dernier ont dévoré la falaise sur laquelle sont bâties des villas d'estivants. L'une d'entre elles, la Vigie, est tellement sapée à la base que si la mer enlève quelques mètres cubes de sable supplémentaires, elle va basculer sur ses fondations. Il s'agit d'un problème quand même qui date de 1873. Depuis cette date environ, la commune de Mimizan a eu à faire face à des problèmes multiples, à savoir surtout le problème de faire face à la mer et la dégradation qui s'ensuivait de toute la dune et en même temps, par voie de conséquence, l'envahissement des sables. Les pouvoirs publics alertés ont réagi aussitôt et la promptitude des secours a permis dans la journée d'hier de consolider les assises de la Vigie. Dans la mesure où il n'y a pas un plan d'ensemble qui soit fait, nous n'arriverons à rien. Et ce plan d'ensemble, à quoi consiste-t-il ? À faire d'abord la digue, de prolonger la digue sud et de faire une digue nord. À Mimizan donc, l'espoir renaît. Un espoir tempéré cependant par une incertitude. Qui des deux sera le plus fort, des bulldozers de l'administration ou de cet océan majestueux et terrible ? Nous étions en 1966, extrait d'un reportage diffusé dans le JT pour introduire notre discussion sur l'évolution du littoral français. Autour de la table, les invités sont Christophe Delacour, géophysicien en charge des observatoires du littoral pour le CNRS, et Stéphane Costa, géographe à l'Université de Caen, président du conseil scientifique de la stratégie nationale de la gestion du trait de côte. Qu'est-ce que l'on appelle le trait de côte ? Déjà là, c'est flou finalement, hein, ce trait de côte. Oui, en fait, c'est très humain. L'homme a toujours voulu définir des frontières. Et là, il souhaite définir la frontière entre la mer et la terre. C'est ça, le trait de côte, c'est le contact terre-mer. Sauf qu'il est mouvant au quotidien. Ouais. Il est extrêmement dynamique, donc il est très dur de le suivre. C'est un indicateur qui peut être intéressant pour suivre l'évolution, mais on a du mal à le définir. Il n'y a pas de définition universelle. Et on en parle toujours. Et puis, c'est finalement un indicateur morphologique qui est trop simple, voire trop simpliste, parce qu'il ne renseigne pas sur les évolutions sédimentaires venant du large ou les apports sédimentaires venant de l'intérieur des terres. Et ce sont aussi ces apports du large ou de l'intérieur des terres qui expliquent la mobilité de ce trait de côte. Donc, ouais, vous voyez que c'est, on parle beaucoup de trait de côte, mais en fait, c'est pas forcément le bon terme. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est quand même dans votre intitulé, Stéphane Costa. Vous êtes président du conseil scientifique de la stratégie nationale de la gestion du trait de côte. Christophe Delacour, on peut s'amuser quand on se promène sur une plage, à essayer de situer le trait de côte, c'est-à-dire la limite entre l'eau et la mer, et c'est un exercice impossible en fait. Oui, alors c'est un exercice impossible, et c'est pas uniquement un problème, je veux dire, de querelles, de chercheurs qui ont décidé d'imposer telle ou telle définition. Il y a aussi le fait de la notion complexe du littoral. On parle d'un littoral, mais en fait, il faudrait parler d'environnement littoral. Et à l'échelle uniquement métropolitaine, on pourra parler un petit peu d'outre-mer plus tard, c'est qu'en fait, sur ces trois façades maritimes, en fait, on a différents types d'environnement. On va avoir à peu près, les ordres de grandeur, hein, il y a à peu près 45% qui sont plutôt des côtes à falaises, 39% qui sont des côtes dites d'accumulation, des galets, des sables, des vases, et on a aussi 17% de côtes qui sont dites artificialisées. Donc là, évidemment, on se rend bien compte que définir un trait de côte sur une falaise, c'est assez simple. Je veux dire que bon, je pense que Stéphane va en parler. Je veux dire qu'il passe sa vie sur les falaises, donc il n'y aura aucun souci. Faites attention à vous quand même. On tente. Mais c'est vrai que lorsqu'on va aborder des traits de côte au niveau des plages, oui, là, on voit toute la difficulté. Je veux dire qu'on peut avoir des définitions extrêmement simples qui vont être, eh bien, une limite laissée par la mer à un niveau de marée. On peut très bien avoir une limite qui va être la limite de la végétation. Lorsqu'on va aller vers l'Aquitaine où on voit ces dunes avec des zoyas qui arrivent, donc on se dit ça peut être cette limite. Donc on voit bien que cette définition du trait de côte pose déjà un souci. Ouais. Et qui dit suivi, dit définition qu'on puisse suivre au cours du temps. Ouais. Donc on ne peut pas changer cette définition. Ouais. Avec l'humain qui a besoin de tracer sur ses cartes un trait précis au plus près où est la mer, où est la terre, où ça s'arrête. Et c'est un paysage vivant en fait, le bord de mer. Et c'est vivant, et ce qu'il faut voir, et je pense que l'interview là que vous avez diffusée tout en début d'émission est extrêmement intéressante, parce qu'en fait, on voit qu'à quelle que soit la période à laquelle on travaille, on se rend compte qu'on parle déjà de cette mobilité. Oui. Et je veux dire que là, il en parlait également de 1860. Oui, oui. On est toujours en train de remonter en arrière. Oui. On est toujours en train de remonter. Et je pense que c'est vraiment un point ça qui est très très important, justement cette notion de temps. Alors Stéphane Costa, justement, remontons en arrière, mais alors vraiment, prenons du champ. Qu'est-ce qui fait qu'à certains endroits, justement, on a des falaises, à d'autres, ce sont des galets, à d'autres encore, c'est du sable que l'on trouve. Pourquoi cette diversité de paysages ? Là, on touche du doigt les problèmes géologiques ou la constitution géologique de la France, si on parle que de la France métropolitaine. Il y a, dès lors que vous avez un plateau, un relief qui est en contact de la mer, on va plutôt avoir des falaises. Dès lors que vous avez des plaines, vous aurez plutôt des accumulations de plages, de dunes sableuses ou de plages de sable ou de galets. Et puis au débouché des cours d'eau, vous aurez des estuaires, des marais maritimes ou des mangroves. Donc c'est vraiment la morphologie et la géologie qui va déterminer le type de côte. Et comme on parle de géologie, quand on parle de falaises, vous pouvez avoir des affleurements qui sont des affleurements de craie, comme à Étretat, où là vous pouvez avoir en Seine-Maritime des reculs de falaises qui sont non négligeables, qui se calculent en décimètres par an. Et puis des falaises constituées de roches dures, comme du granit, en Bretagne ou dans le Cotentin. Et là, vous avez des évolutions qui sont extrêmement lentes à l'échelle humaine. Et alors, encore une fois qu'on a dit ça, il y a encore mille et une subtilités, puisque les falaises de craie, elles ne sont pas toutes, je sais pas, il y a 50 nuances de craie, on pourrait dire, elles ne sont pas toutes de la même densité et elles ne s'érodent pas toutes à la même vitesse. Exactement, on peut rentrer dans des niveaux de détail de ce type en expliquant par exemple qu'à Étretat, on a des craies qui sont un petit peu plus résistantes pour des raisons géologiques, de présence d'une multitude de silex à l'intérieur ou de bancs de craies plus résistants qui expliquent le maintien de cette arche et de cette aiguille et une évolution très lente que les peintres, je dirais, de l'impressionnisme ont peint déjà en 1880 et qu'on retrouve aujourd'hui encore sous les mêmes formes de paysage. Et puis vous remontez plus au nord, vers Dieppe ou vers Criel, le Tréport, où là vous avez des craies plus sensibles à l'érosion. Et là, les vitesses de recul, c'est 40-50 cm de recul par an. Ouais. Alors, Étretat, ce paysage qu'on connaît bien, il évolue à quelle vitesse? C'est-à-dire, si on remonte quelques milliers d'années en arrière, on a quelque chose de très différent de ce qu'on a aujourd'hui? On avait probablement à peu près la même chose, mais un peu plus en avant par rapport à l'actuel. Mais en fait, l'aiguille actuelle est une ancienne arche. Ouais. Qui s'est effondré. L'arche actuelle va s'effondrer et on va avoir une aiguille. Et puis, pour les gens qui connaissent, un petit peu à côté, il y a un gros trou qui permet d'ailleurs de passer à travers la falaise. C'est la future arche. Donc, vous avez une évolution régressive comme ça pour les falaises parce que la différence avec les plages qui peuvent alternativement connaître des phases d'avancée et de recul, les falaises, elles, ne font que reculer et le recul sera d'autant plus rapide que les matériaux qui la constituent sont des matériaux plus résistants. Et les galets que l'on trouve au pied des falaises, ils viennent d'où? Ils viennent de l'érosion des falaises, parce que ces falaises sont constituées de craie, mais également de silex. Quand les falaises s'effondrent, la craie est très vite dissoute, ne reste que les silex qui, roulés par la mer, deviennent galets. Ouais. Et ça a un intérêt, ça crée une sorte de protection naturelle, cette barrière de galets qui est au pied des falaises? Oui, de toute façon, le meilleur tampon protecteur contre la soude des houles de tempête, ce sont les cordons de sédiments. Ça marche pour le galet, mais ça marchera, Christophe le dira bien évidemment tout à l'heure, ça marche également pour les autres sédiments sableux. Plus on a de sédiments, plus on sera en phase de protection, notamment contre la soude des houles de tempête. C'est important de l'avoir en tête, parce qu'on en a prélevé de ce sédiment aussi bien du sable que des galets par le passé. Exactement. C'est vrai que c'était... On a mis vraiment beaucoup de temps avant de comprendre justement cette importance de cette protection naturelle. Et justement, sur les zones dont parlait Stéphane, dans les années 60-70, il y avait vraiment un prélèvement massif de ces galets. Et ce prélèvement massif a... intensifier forcément ces phénomènes d'érosion. Et donc là, et c'est pas parce qu'on arrête à un instant donné que automatiquement, directement, à l'instant même, on va modifier ces processus d'érosion. Et ça, c'est un élément qu'il faut toujours avoir en compte. Et on parlait d'urgence. C'était assez intéressant parce qu'il dit on prend des mesures d'urgence. Mais justement, lorsqu'on prend des mesures d'urgence, eh bien, on ne peut pas justement on va pas se dire combattre, parce que le mot est bien trop fort et dire qu'il a été très très galvaudé, mais dire qu'on ne peut pas lutter contre cette érosion si on travaille uniquement avec des mesures d'urgence, parce qu'on voit qu'il y a une période de latence qui doit être prise en compte. Alors on va s'intéresser aussi au paysage de sable, de dunes, aux plages, et puis nous allons parler dans la suite de cette émission des travaux d'aménagement plus ou moins heureux qui ont été réalisés pour tenter de préserver le littoral. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Pâle beauté, tes sourcils surbaissés, d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent tes pensées, qui ne sont pas du tout funèbres. Promesse d'un visage, promesse d'un visage. Qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité. Et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses. Promesse d'un visage, promesse d'un visage. Au bout de deux beaux seins bien lourds, de larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme le velours, bistré comme la peau d'un bonze, une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure. Promesse d'un visage. Promesse d'un visage. C'était François Atlas qui reprenait Baudelaire. La tête au carré sur France Inter. Là, on est sur la plage des Arresquiers, qui est située à quelques kilomètres à l'est de Sète. Hein. Donc, c'est une zone qui a ceci de caractéristique, c'est que elle cumule un peu tous les effets aggravants pour le phénomène d'érosion. Alors déjà, c'est un système qui est relativement plat. On en est arrivé à un tel point de dégradation qu'aujourd'hui, sur cette plage-là, vous n'avez que du matériel qui a été ramené par l'homme, et devant en mer, vous n'avez plus aucun matériel sédimentaire. La roche est à nu. Quand on en arrive à cette configuration-là, on est dans un système littoral qui est détruit. Il n'y a plus de disponible sédimentaire, il n'y a plus de sable pour amortir l'effet des vagues. On peut considérer que ce littoral est mort. Vous vous retrouvez dans une configuration où les vagues ont une énergie accrue à la côte et vont empêcher radicalement le retour définitif du sable. On est donc dans une impasse. C'est pour ça qu'on peut parler de littoral mort. Le géophysicien Frédéric Bouchette, interviewé dans le documentaire Entre mer et terre, qui est disponible gratuitement sur la vidéothèque du CNRS. Nous allons mettre un lien vers ce documentaire très instructif sur la page de La Tête au Carré. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, autour de la table, le géographe Stéphane Costa et le géophysicien Christophe Delacour sont nos invités. Il parle, Frédéric Bouchette, dans cet extrait, de littoral mort. On en est là, à certains endroits des côtes française, Christophe Delacour. Oui, tout à fait. Jacques, bon, c'est vrai que c'est un exemple emblématique. Bon, le terme mort n'est pas à prendre vraiment, je dirais, d'un point de vue totalement alarmiste. On est plutôt sur la notion de transfert de sédiments. C'est ce qu'explique très bien Frédéric Bouchette. Jacques, il faut voir qu'à chaque fois qu'on a une tempête, en fait, on a des échanges. Concernant les plages de sable principalement, on a l'effet d'une tempête. On est capable, sur une tempête, sur une plage en Bretagne, de retirer sur plusieurs centaines de mètres, 1 mètre, voire 1,50 mètre, en un seul événement. Mais ce sable, il ne disparaît pas totalement. Il repart à la mer et petit à petit, il va être remobilisé pour reformer justement la plage initiale. Mais qu'est-ce qui se passe justement si ce sable est évacué de façon trop lointaine ou ensuite repris pour d'autres raisons? Eh bien, il ne va pas pouvoir reconstituer. Donc c'est un petit peu cette définition de plage morte, dans le sens où il n'y a pas de remobilisation possible, parce que le sable qui a été retiré lors d'une tempête, à ce moment-là, est passé dans un autre espace qui ne va pas permettre de revenir. D'où l'intérêt de suivre ces côtes de façon régulière. C'est-à-dire que si on arrive à un instant T, on n'a qu'une photo et on n'a pas le film du tout. En fait, les plages se construisent et se reconstruisent périodiquement. Exactement. Alors ça, c'est vraiment un phénomène qui est très important. Pour toute personne qui a été juste après une tempête, on voit un effet catastrophique. C'est ce que je vous disais précédemment, 1,50 mètre de sable. Donc évidemment, si on prend cette photo-là par rapport à l'été précédent, je dirais qu'on va se dire... impact du changement global de façon évidente, voilà ce qui se passe. Mais si vous revenez exactement à l'été d'après, la plage s'est reconstituée. Donc c'est vraiment extrêmement important pour pouvoir comprendre ces processus, en fait de ne pas se limiter à des instants, comme vous dites, à deux instants différents, et dire qu'on fait une moyenne, ça n'a aucun sens. Par contre, travailler sur des échelles de temps longues, et ces échelles de temps longues vont nous permettre justement de comprendre sur le long terme les raisons de ces évolutions des littoraux. Alors pour faire face à l'érosion, l'homme a fait des ouvrages qui protègent les côtes, mais ces travaux d'aménagement ont eu des conséquences parfois inattendues. Hein. Ça a marché un temps, et puis ensuite le remède a parfois été pire que le mal. Dans les années 70, beaucoup de travaux ont été entrepris. Quels dispositifs ont été mis en place, par exemple, Stéphane Costa ? Il y a toute une batterie d'ouvrages qui ont été mis en place. On a l'habitude de traduire cela en deux grands types d'ouvrages. Des ouvrages dits transversaux, ils sont perpendiculaires au littoral. Ce sont des épis, par exemple, qui ont pour objectif de ralentir le transport sédimentaire devant les zones que vous avez à protéger. Et puis, il y a aussi des ouvrages qu'on l'on dit longitudinaux. Ce sont les pérés. On a l'objectif, là, c'est de fixer le trait de côte. L'homme a décidé que le trait de côte, maintenant, il serait là. Mmh. Et par rapport à ce qu'on évoquait juste à l'instant, je veux dire, la capacité des plages et des dunes, c'est d'être, j'allais dire, résiliente, s'ajuster au quotidien ou sur le long terme par rapport au forçage. Et donc, il y a une sorte de... On parle souvent aussi de degré de liberté, de respiration de la forme. Mmh. Et en mettant ces ouvrages, on interdit cet ajustement des plages et des dunes au nouveau forçage. Ouais. Et ça génère des désagréments nombreux. Oui. Mais alors, justement, quel type de désagrément? Avec quel conseil? Parce qu'on a le recul, hein, on a fait ces travaux beaucoup dans les années 70. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que systématiquement, hein, quand on met en place ces ouvrages, ça a un intérêt immédiat, on protège les enjeux, mais systématiquement, il y a des impacts de déperdition de sédiments après la mise en place des ouvrages. On repousse chez le voisin les problèmes d'érosion, parce qu'on capte du sédiment, mais ce sédiment qui est fini, hein, il y a pas infini de sédiments, ce sédiment capté à un endroit va manquer à un autre. Donc le problème, c'est que quand on gère qu'à l'échelle locale, administrative, à l'échelle d'une commune, on fait une grave erreur. Mmh. Il faut gérer ça à l'échelle des phénomènes naturels générateurs de dommages. On en reparlera tout à l'heure, mais il s'agit de solidarité entre les communes pour gérer globalement ce stock de sédiments. Alors, il y a des communes qui sont clairement menacées. On voit des maisons s'effondrer, on voit des routes disparaître. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'à la fin, c'est pas toujours la mer qui gagne? C'est-à-dire, quand on a voulu arrêter, quand on a voulu fixer le trait de côte, est-ce qu'on n'est pas, on finit toujours par être submergé à un moment ou à un autre? Christophe Delacour. Je pense qu'en effet, il faut plutôt voir un certain nombre d'actions de l'homme comme essayer de gagner du temps. Ouais. Gagner du temps pour s'organiser, gagner du temps pour réfléchir à des solutions qui sont pérennes. Et je veux dire qu'il faut vraiment, je pense, perdre l'idée d'être capable d'arrêter cette érosion à un instant donné, mais plutôt d'essayer de déjà comprendre les origines. Donc, une fois qu'on a compris ses origines, on va essayer d'utiliser le moyen le plus pertinent. Mais c'est vrai que sur certaines côtes, on sait que le combat est perdu d'avance. Par exemple, vous avez des exemples de côtes où, alors on va peut-être déprimer certains de nos auditeurs, mais allons-y, donnons les noms de ces côtes où le combat est perdu d'avance. Si vous prenez la côte Aquitaine, je veux dire que vous regardez la disposition du trait de côte actuellement, on reparle encore du trait de côte, vous voyez ce trait de côte, et vous avez certaines communes qui sont en avancer justement sur cette trait de côte, et on sait très bien que l'évolution naturelle va être justement de linéariser ce trait de côte. Donc là, on sait que le combat va être perdu. Quand je dis combat perdu par rapport au trait de côte, pas combat perdu pour les habitants, puisqu'évidemment, on en parlera, je pense, dans la suite de l'émission. En effet, il y a toute une stratégie qui est en train de se mettre en place pour essayer, je veux dire, d'accompagner éventuellement des localisations des personnes qui sont sur place, et des stratégies qui permettent en effet de ralentir cet effet de manière à pouvoir s'organiser. Oui. Aujourd'hui, on utilise des méthodes plus douces aussi pour essayer de contenir, de maintenir des dunes en place, mais de façon plus douce. Effectivement, ça s'appelle des techniques environnementales. L'objectif, c'est de ne pas trop perturber le milieu, se servir des forces de la nature pour contrecarrer la nature. Donc, ce sont des rechargements en sédiments, par exemple. Ce sont la mise en place on parlait tout à l'heure d'Oya. Ce sont des plantes que l'on met sur les dunes qui permettent de capter le sable, des fascines, ou des petites barrières en bois, parfois, qu'on voit sur les plages. L'objectif, c'est de capter un maximum de sédiments. Mais là encore, c'est pour se donner du temps, comme le disait Christophe, parce que on est sur un stock qui est déjà fini, qui est hérité d'une période glaciaire ancienne. Donc, c'est un stock qui est en voie d'épuisement. On y a ajouté les actions humaines d'extraction de sédiments, de perturbation des transits sédimentaires. Et puis, il faut en parler. Il y a un réchauffement climatique aujourd'hui qui entraîne une élévation au niveau des mers. On pensait quelques dizaines de centimètres il y a quelques années. Maintenant, on est sûr qu'à 2100, ça va atteindre le mètre. Ouais. Donc, avec un mètre d'élévation du niveau des mers, bien évidemment, l'énergie des vagues, quand bien même on n'est pas plus de tempêtes, l'énergie des vagues va être plus intense sur le littoral et on risque d'avoir des érosions et des franchissements par la mer plus importants. Qu'est-ce qu'on fait des enjeux? Et les ouvrages mis en place, malheureusement, exacerbe localement ce type de problème de perte de sédiments. Et ce qui est terrible pour les communes qui mettent ça en place, c'est qu'elles perdent là la qualité environnementale qui a fait leur attractivité. Donc en se protégeant, on peut exacerber les problèmes à moyen terme et finalement aller à l'encontre de ce qu'on recherche. Julien vous demande, la Camargue va-t-elle être recouverte d'eau ? Stéphane Costa. J'allais dire, à quelle échéance ? Ouais. Si on revient sur les phénomènes qu'on vient d'évoquer, notamment d'élévation du niveau des mers, oui, il y a de fortes chances que la Camargue, ou de nombreux secteurs de la Camargue, les nombreux secteurs bas, très bas, déjà aujourd'hui, soient recouverts par l'eau à une échéance de quelques décennies, oui. Suite et fin de notre discussion dans un instant, et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés sur franceinter.fr. C'était sur la planche, la femme dans la tête au carré, et la programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin. La tête au carré sur France Inter. Si l'on chemine entre Dieppe et Le Tréport, sur la côte d'Albâtre, on trouve Criel-sur-Mer, petite station balnéaire discrète, mais qui peut s'enorgueillir d'abriter la plus haute falaise de craie d'Europe, 107 mètres. Jean Mauger parle de lui comme d'un vieux criellois. Il a toujours vécu ici et fut même pendant 13 ans le maire de la commune. Alors toutes ces histoires de falaises qui s'effritent et s'effondrent, il les connaît par cœur. Une falaise, ça a toujours tombé et ça tombera toujours. On peut prévenir la sécurité des habitants, mais on ne pourra jamais empêcher les falaises de tomber, sauf de doux rêveurs qui ont cru à un moment qu'on pouvait tout faire contre la nature. Mais malheureusement non, la nature gagne toujours. Les éboulements de falaises font partie de la vie des criellois. Le long du rivage, des blocs de craie encore frais prouvent qu'il n'est pas recommandé de se promener à l'ombre des falaises. Mais il n'est pas indiqué non plus de vivre sur la falaise. 11 maisons de Criel et de Ménilval sont finalement détruites en raison d'un danger imminent. Fort heureusement pour les propriétaires, la loi Barnier était là. Ce qui fait que, en dehors du phénomène affectif que je comprends bien et qui est très important, financièrement, ils s'y sont retrouvés. un extrait de Enquête de région diffusé sur France 3 en 2017 pour illustrer notre sujet sur l'évolution du littoral français avec Christophe Delacour, géophysicien, et Stéphane Costa, géographe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont tentés et parfois ils font débat. Cette question qui nous arrive de Sonia, habitante de Charente-Maritime, plus précisément à Fouras, nous sommes concernés par la construction en cours de digues auxquelles nous sommes très nombreux à nous opposer. Alors, est-ce qu'effectivement il faut ou pas les construire, ces digues, Stéphane Costa ? Voilà, c'est toujours difficile à évoquer. C'est-à-dire qu'on peut pas passer de 70 ans où on a considéré que l'ingénierie était salvatrice, donc se protéger contre la mer. Aujourd'hui, on ne passerait qu'à une dimension environnementale. Ça, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a des enjeux, là, qui sont sur le littoral qu'il faut protéger. Mais il faut faire en sorte que la gestion de l'urgence, parce que là, il y a urgence, ne nuise pas aux politiques territoriales futures. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, on peut pas être dogmatique en disant où on tout bétonne, où on ne fait plus rien. Il faut, je pense, là, prendre la vie des gens qui y vivent et qui en vivent. Et c'est jamais complexe. Mais attention, se protéger, pourquoi pas? Mais il faut avoir un message clair associé. Se protéger, comme le disait Christophe tout à l'heure, pour se donner du temps. Du temps pour voir comment vont évoluer les choses. Et puis peut-être être obligé de déplacer les biens et les activités. Ouais. À un moment ou à un autre, on ne pourra plus se protéger. Parce qu'il y a derrière tout ça aussi qui paye. Ouais. Déplacer les biens et les activités, c'est tout le problème. Alors, quand on a sa maison, elle était en bord de mer, elle devient trop proche du bord de la mer et parfois il faut déménager. Alors, difficile de convaincre les gens de quitter le bord de mer, Christophe Delacour. Exactement. C'est là tout le paradoxe. Et évidemment, là, quand on parlait justement de maisons qui ont été peut-être construites il y a 200 ans, quand on imagine un petit peu les taux de recul actuels, en fait, lorsque cette maison a été construite, ils étaient loin du littoral. Et, oui. Et donc, en fait, on voit bien que de toute façon, avec cette érosion progressive, on va être confronté de plus en plus, justement, à ce type de problématique. Donc, la question, en effet, de gagner du temps, oui. À quel coût? Et c'est pour ça qu'il y a systématiquement, je prends l'exemple de la canoë qui est un bon exemple, justement, où, en fait, on met sur la table les différents scénarios. En effet, on peut, avec des coûts assez élevés, protéger sur une échelle de temps. Plus le coût de ces protections sera élevé, plus on pourra tenir longtemps. Mais on ne tiendra pas indéfiniment. Voilà. Donc il y a également ces scénarios à prendre en compte de relocalisation. Les décideurs politiques entendent-ils les arguments que les scientifiques que vous êtes donnés? Parce que vous n'êtes pas dans le même temps. Quand on a un mandat de 5 ans, quand on a des urgences à gérer avec des administrés qui se plaignent de l'évolution du littoral et des risques qu'encourt leur maison, comment entendent-ils vos préconisations à vous de scientifiques? Est-ce que ça se passe bien? Il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau qui, je dirais, d'ordre gouvernemental, ministériel. Et là, justement, le ministère de la Transition écologique a lancé depuis 2010 cette stratégie de gestion intégrée du trait de côte, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres termes, ouais. Qui a pour objectif également d'aider les collectivités locales à pouvoir se protéger. Puis il y a les collectivités locales. Et là, être élu dans ces collectivités menacées, c'est extrêmement compliqué, parce que vous avez d'un côté l'État qui dit, moi, je ne veux plus un seul mort sur le littoral. Je ne veux pas qu'on rallonge la liste des biens menacés, parce qu'un jour ou l'autre, quand ça va dégénérer, on demandera à la collectivité d'indemniser. Et puis, de l'autre côté, des élus qui sont là pour préserver leur territoire, qui sont encore cette réserve qui permet un développement du territoire. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il n'en demeure pas moins que à titre personnel, je trouve que depuis une quinzaine d'années, et je dirais presque depuis la tempête Xynthia, on a vraiment une oreille très très importante portée par les élus locaux qui nous écoutent, qui ont envie qu'on les accompagne. Ils sont un petit peu démunis, mais ils sont en train de s'organiser, et je trouve que c'est vraiment salutaire. Christophe Delacour. Oui, et c'est exactement ça. Et je pense qu'ils s'organisent et à la question de savoir est-ce qu'on est davantage écouté, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui ont été menées. Alors je pense également de la part de nous scientifiques, d'essayer d'expliquer qu'on ne pourra pas trouver des solutions à un problème donné sans comprendre les origines. Mmh. Et c'est là que les scientifiques, c'est là que le CNRS, que les universitaires entrent en jeu. Alors d'ailleurs, Laurence vous demande quels sont aujourd'hui les moyens pour observer ou mesurer cette érosion du littoral. Avec quels outils vous investiguez ? Alors, répondre très très très rapidement, évidemment. Je pense que Le CNRS et les universités ont développé ce qu'on appelle des observatoires de suivi du trait de côte. Donc les observatoires du suivi du trait de côte sont sur des durées longues, des moyens qui sont mis en œuvre pour aller mesurer un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres sont très simples. Les paramètres, il faut mesurer une topographie, il faut mesurer la partie sous-marine, qui peut être très difficile à mesurer, et puis il va falloir mesurer les forçages marins, les états de mer. Donc pour pouvoir mesurer ces différents éléments, eh bien on va utiliser des outils qui sont complémentaires. Depuis le spatial, pour avoir une vision globale, jusqu'aux mesures qui vont être extrêmement locales. Et c'est assez compliqué, parce que on se rend bien compte que l'intérêt, c'est d'aller mesurer quand il y a des événements extrêmement forts. Et les mesures lors de tempêtes, de cyclones, eh bien, nécessitent de développer des outils qui sont assez spécifiques. Alors, on utilise les outils un petit peu modernes, on utilise classiquement les drones, désormais, pour pouvoir faire ces mesures de topographie. Donc, il y a une panoplie d'outils qui sont utilisés. Stéphane Costa, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, s'agissant des observatoires, il y a aussi des régions qui se mobilisent. Je pense notamment à la région Normandie et des Hauts-de-France, en collaboration avec l'État et le Conservatoire du littoral, qui a créé un réseau qui s'appelle le réseau d'observation du littoral normand et des Hauts-de-France. Je pense aussi à l'OR2C pour les Pays de Loire. Donc là aussi, il y a une volonté de suivre les processus, parce que cette connaissance scientifique va réduire l'imprécision scientifique. Et l'imprécision scientifique peut aboutir à une imprécision dans la prise de décision politique. Et là, les élus se rendent compte que c'est fondamental d'entretenir cela. Et à l'échelle nationale, toujours la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, portée par le ministère, a envie de mettre en ordre de bataille tous ces observatoires régionaux avec les observatoires portés par le CNRS, pour essayer d'avancer ensemble sur cette problématique qui a des enjeux monstrueux. On parlait tout à l'heure des prélèvements que les hommes font, prélèvements de sable et de galets pour des constructions. JP nous demande sur la page de l'émission, est-ce qu'au moins toutes les extractions industrielles de sédiments marins ont été interdites en France? Stéphane Costa, Christophe Delacour. J'aurais tendance à faire la même réponse qu'a fait Stéphane tout à l'heure lorsqu'on parlait de la digue qui était construite. Faut-il ou non la construire? Faut-il interdire ou non l'extraction granulat? Mais je veux dire que la question qu'il faut déjà se poser, c'est a-t-on justement l'épreuve scientifique de l'impact de cette extraction de granulat? Elle n'est pas toujours mauvaise selon les endroits. On en est, parce que vous avez l'air de dire que parfois on fait et qu'on découvre après les conséquences de ce qu'on a fait. Donc on se dit qu'il faudrait quand même y aller avec prudence. Il y a en effet ce principe de précaution, mais il faut quand même imaginer qu'il y a eu de la progression dans la connaissance justement de ces transferts sédimentaires, et qu'en effet on commence à être capable de modéliser l'impact à un endroit donné d'un phénomène qu'on a produit à un autre. Donc c'est typiquement ce type d'approche qu'on doit appliquer, et qu'il y a très certainement des zones où il y a un impact direct, et là en effet il faut les interdire, mais il y en a d'autres où l'impact est nul. Et dans ces cas-là, je dirais qu'il faut encore une fois ne pas être dogmatique dans la perception, mais toujours apporter cette connaissance qui permet de prendre des décisions qui sont éclairées. Guillaume vous demande, les côtes de la Guyane sont-elles concernées elles aussi par l'érosion malgré la protection apportée par les mangroves? Christophe Delacour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'outre-mer, alors que c'est quand même grâce à l'outre-mer que la France a la deuxième façade maritime au monde, c'est-à-dire les États-Unis. Et les mangroves sont en effet peut-être le système naturel le plus efficace contre l'érosion du trait de côte. Mais par contre, en Guyane, il n'y a pas des mangroves absolument partout. Et il y a également, en Guyane, des courants qui sont absolument incroyables, des phénomènes météorologiques qui sont également très importants. Donc, c'est étonnamment l'endroit où la mangrove a l'effet le plus atténuateur, mais c'est également l'endroit, peut-être, en France, où on a les taux d'évolution des littoraux les plus importants dans des zones où il n'y a pas ces mangroves. Et ça fait partie, justement, des zones d'études de nos fameux observatoires entre le CNRS et les universités, de travailler sur ces problématiques en Guyane. Stéphane Costa, en 30 secondes, est-ce qu'on a une idée de la façon dont les côtes françaises vont évoluer dans les 10, 100, 10 000 prochaines années? Ah bah alors là, vous me séchez. Sur les 10 prochaines années, oui, je peux vous dire. Les 100 prochaines années, oui. En fait, on peut regarder ce qui s'est passé sur le dernier siècle et on devrait avoir les mêmes tendances vers l'intérieur des terres pour les secteurs qui s'érodaient. Alors d'aucuns disaient, oui, mais avec l'élévation au niveau des mers, on ne sait pas, on peut avoir des déstockages de sable qui vont amener finalement des zones en érosion qui devraient être moins en érosion. Aujourd'hui, avec 1 mètre d'élévation au niveau des mers, tout va translater vers l'intérieur des terres, sauf bien évidemment les falaises granitiques de Bretagne où là, l'évolution va être extrêmement lente, mais malheureusement, on risque d'avoir une érosion quasi généralisée. Merci Stéphane Costa et Christophe Delacour. Je vous emmène à présent sur les rivages, sur des rivages bien plus lointains. La science grand format, en partenariat avec France 5. Bonjour Perrine Poubeau. Bonjour Daniel. La case science grand format commencera ce soir par un documentaire sur la mythique île de Pâques intitulé « Enquête sur l'île des Moailles ». Oui, et vous savez Daniel que l'île de Pâques c'est une vraie machine à fantasmes. Tous les ingrédients sont là, une île perdue dans le Pacifique qui abrite ces mystérieux géants de pierre, les Moailles, qui restent les seuls vestiges d'une civilisation qui aurait créé sa propre perte par un désastre écologique. Et justement, le film tente de démêler le vrai du faux grâce à des fouilles récentes. Oui, et l'enquête se penche sur plusieurs questions. Pourquoi ces statues ont été construites et comment elles ont été transportées? Et on va en savoir plus alors sur leurs bâtisseurs. C'était les Rapa Nui. Ils sont arrivés vers l'an 1000 de Polynésie. Ils auraient donc sculpté ces colosses pour représenter leurs ancêtres et obtenir leur protection. C'était particulièrement compliqué de déplacer ces sculptures très, très fragiles. Elles étaient faites de tuf. Et le plus probable, c'est qu'ils les faisaient rouler sur des rondins de bois. Pourquoi les archéologues ont-ils retrouvé les Moailles couchées? Ces statues ont-elles été abandonnées? On écoute l'archéologue Nicolas Cove. Ils ont renversé peu à peu toutes les statues de l'île. Ça peut paraître étrange à nos yeux d'occidentaux, mais pour eux, ce n'était pas intéressant de conserver un monument. C'était beaucoup plus parlant de le transformer. Renverser les Moailles, ce n'est pas seulement faire cesser le culte des ancêtres, c'est aussi montrer que la société a changé. Les Moailles couchées marquent un nouveau chapitre de l'histoire de l'île, un chapitre très sombre, hein, Perrine. Oui, cette période correspond en fait à la rencontre avec les Européens au 18e. Les Européens ont apporté la variole, la tuberculose et l'esclavagisme. La thèse qui privilégie la seule catastrophe écologique ne tient pas. On sait que les Rapa Nui géraient avec précaution les ressources de leur île et la menace est donc venue pour eux de l'extérieur. Et la soirée se poursuivra avec le Pérou, la cité perdue de Caral. Tout ça est à découvrir dans la case Science Grand Format sur France 5 ce soir. Merci Perrine Poubeau et à bientôt. Merci Daniel.